Dexter est un personnage, comme l'a dit Dick, qui provient de la littérature, d'une création de Jeff Lindsay, que vous voyez apparaître ici en dessous, qui est un journaliste et qui se spécialisait dans le journalisme d'investigation sur tous les terrains, pas seulement criminel, et puis qui a commencé une seconde carrière d'écrivain, la maturité déjà là, spécialisé dans le roman policier, et il n'a quasiment publié que cette série Dexter. Il a fait deux, trois autres choses sur le côté. Je ne parlerai pas beaucoup, pas du tout même en fait, des romans, dans la mesure où, très rapidement, l'intrigue des romans ne suit pas celle de la série et développe un autre univers. Le seul point commun en fait, entre les deux éléments, la série et l'univers fictif, de départ, c'est le personnage, bien sûr, dans sa situation double de tueur en série et d'expert collégial. Et le premier roman, Darkly Grinning Dexter en anglais, Ce cher Dexter en français, qui a grosso modo la même intrigue que la première saison de la série, avec quelques différences importantes tout de même, notamment concernant l'usage des personnages secondaires. Donc je m'intéresserai plutôt à la série parce qu'elle me semble d'abord être davantage connue, et puis parce qu'elle cristallise toute une série de questions, plus que le roman, mais qui proviennent aussi de la littérature de genre. Donc je ferai des parallèles régulièrement avec la littérature, mais au sens plus large, du roman policier mettant en scène des tueurs en série. Alors, la série elle-même a été créée peu de temps après le premier roman, puisqu'elle démarre en 2006 et elle est mise en chantier dès 2005, par ce producteur et scénariste, James Manos Jr., qui s'est déjà illustré précédemment dans deux séries phares, Les Sopranos, qui raconte la vie d'une famille de mafieux, et The Shield, qui traite de la corruption dans la police de Los Angeles. Et il a été, sur ces séries-là, scénariste pour de nombreux épisodes, coproducteur aussi pour les premières saisons, et puis alors, il propose ce projet à Showtime, qui est une chaîne privée, câblée, reçue par environ 15 millions de foyers, donc ça reste assez confidentiel au début, 15 millions à l'échelle des États-Unis, ce n'est pas immense. C'est un programme qui est diffusé en fin de soirée, donc ne concerne qu'une partie de la clientèle de Showtime. Mais le programme qui devait être au départ un one-shot, il y avait une saison d'écrite et une saison de prévue, ça devait se terminer avec cette saison-là, va rencontrer un tel succès que le producteur va proposer une suite qui finalement s'étendra sur 8 saisons et s'achèvera en 2013. La série sera très vite rachetée par une chaîne grand public, CBS, mais qui devra la passer également en fin de soirée et qui connaîtra au début en tout cas différents problèmes avec des agences américaines de sauvegarde, notamment des enfants qui estimaient qu'on ne pouvait pas présenter des programmes télévisés de cette nature sur des chaînes grand public. Néanmoins, elle fera son chemin, elle recevra plusieurs récompenses. L'acteur principal, qui était déjà connu pour son rôle dans la série Six Feet Under, Six Pieds Sous Terre, va avoir vraiment une reconnaissance importante pour son rôle dans Dexter. Et la série sera assez vite aussi traduite en français, diffusée en France, via Canal+ d'abord, puis via des chaînes plus grand public ensuite, et connaîtra également un certain succès dans ce domaine. Alors, je vous présente brièvement le cadre de la série pour ceux qui vraiment n'auraient jamais vu ou jamais entendu parler de Dexter. C'est un personnage singulier dans la mesure où c'est un expert médico-légal reconnu dans la police de Miami le jour. Il est spécialisé notamment dans la lecture des scènes de crime et en particulier la lecture des traces de sang. À l'aide de ses différentes connaissances en la matière, il parvient à reconstituer la scène de crime simplement en lisant les flaques de sang, en disant « voilà, telle flaque ne peut se produire que si le corps était dans telle position, donc s'il était dans telle position ». C'est qu'il a été tué de telle façon et c'est pas un suicide comme on peut le penser. Donc c'est un expert qui travaille de cette manière-là. Il est de manière générale apprécié de ses collègues qui le trouvent tout de même un peu discret et surtout fort coincé, mais qui le trouvent de bonne compagnie, à l'exception de l'un d'entre eux qui le soupçonne de cacher de lourds secrets. Dans cette brigade, il est bientôt rejoint par sa sœur qui travaillait au meurtre et qui devient inspectrice. Ce n'est pas sa sœur biologique, ça on le sait très vite aussi. Dexter est un enfant qui a été adopté par un policier. Et on sait très vite aussi que ce policier a senti très vite chez cet enfant qu'il a recueilli sur une scène de crime le potentiel d'un tueur en série, ce qui l'a fortement inquiété et qui l'a conduit à chercher à protéger Dexter et aussi à en faire un justicier en le dotant d'un code. Donc il a entraîné Dexter, très jeune, à devenir un tueur en série parfait, un tueur en série capable d'éviter tous les pièges de la police pour ne jamais se faire prendre, et un tueur en série doté d'un code moral, si l'on veut, on reviendra sur cette question-là, puisqu'il ne tuera jamais que des criminels qui ont échappé au mailles des filets de la justice. Donc voilà pour planter le décor. Je voudrais dire encore un mot de ce type de fiction. C'est une fiction, vous l'aurez compris, qui est assez particulière et qui n'est absolument pas réaliste. Une des spécialistes de Dexter, qui vient publier un livre dessus, le dit assez bien. Elle précise « Rien de ce qui fait le cœur de l'intrigue n'est vrai, ni même vraisemblable, tandis que tout ce qui constitue le décor, les éléments de la vie quotidienne, l'imbroglio et leurs relations humaines, en revanche, l'est. » Et en indiquant cela, elle fait signe en fait vers un type de fiction bien particulier qui existe depuis assez longtemps, depuis le XVIIe siècle, qui a connu certaines transformations, évidemment, au fil des temps, qui s'est profondément renouvelée, mais qui est une fiction qu'on peut qualifier de romanesque, c'est le terme reçu. On parle d'ailleurs parfois de « du romanesque » ou « le romanesque » en substantivant l'adjectif. C'est un type de fiction bien singulier parce que, en plus de cette particularité mimétique, si vous voulez, dans le sens où on a bien un univers réaliste, un décor réaliste, des personnages secondaires réalistes, mais le cœur de l'intrigue et le personnage principal notamment sont tout à fait invraisemblables, en dépit de cette particularité. Au-delà de cette particularité-là, c'est aussi un type de fiction qui se concentre très fort sur les passions. Ce sont elles qui sont vraiment les moteurs de l'action, et c'est le cas ici, puisque c'est la passion du crime de Dexter qui nourrit vraiment toute l'intrigue et qui le force à prendre des risques parfois tout à fait démesurés, et qui va l'attirer dans toute une série d'épisodes et d'aventures. Les personnages de ce type de fiction sont aussi fortement stéréotypés. On n'est pas dans du roman psychologique, on n'est pas dans du roman d'analyse, on n'est pas dans... généralement pas dans la tête des personnages. Ici, il y a une petite exception, puisque dans la série, comme dans le roman d'ailleurs, on est dans la tête de Dexter, mais on n'est pas vraiment dans de l'analyse psychologique. Dexter dit finalement assez peu de choses de lui, assez peu de choses différentes de lui, d'une saison à l'autre, d'un épisode à l'autre, ce sont souvent les mêmes motifs qui reviennent. En fait, l'intérêt de ce genre de fiction n'est pas là, il est plutôt dans la confrontation de deux univers de valeurs. Celui qui est incarné par le personnage principal, qui est généralement un bon, et celui qui est incarné par son antagoniste, un mauvais. Et donc, c'est un univers très manichéen qu'on retrouve dans un grand nombre de fictions. Pensez à Harry Potter, dont on a parlé tout à l'heure, mais je ne sais plus si Dirk l'a mentionné dans sa présentation, mais qui a fait l'objet ici d'une séance l'an dernier. Harry Potter est dans un univers de ce type-là aussi, avec un camp du bien, un camp du mal, des affrontements entre les deux. Et ce genre de fiction, en fait, nourrit surtout l'imaginaire, s'adresse aux passions des lecteurs, les divertit en leur proposant un monde tout à fait improbable, mais où une lutte de valeurs qui ne pourrait jamais se présenter comme cela dans la réalité, parce qu'elles sont idéalisées, parce qu'elles sont fantasmées, mais une lutte de valeurs est au centre de cela et nous pousse tout de même à réfléchir, en tout cas à nous positionner. Et ces fictions ont donc à la fois un rôle cathartique, parce qu'elles nous purgent de toute une série, parfois de mauvaises pensées ou de questions, mais elles nous forcent aussi à nous interroger sur notre monde réel par le biais de ces imaginaires tout à fait singuliers. Donc voilà, et c'est ce type de fiction qui m'intéresse au premier plan, comme romaniste, mais comme ce sont des fictions qui sont transmédiatiques, qu'on retrouve en littérature, mais aussi en bande dessinée, en série télévisée, etc., j'ai commencé à prendre l'habitude ces dernières années d'aller voir hors des sentiers de la littérature, mais sans être vraiment un spécialiste, notamment des séries télévisées. Il y a un certain nombre d'aspects techniques que je ne maîtrise pas, et c'est plutôt la manière dont la fiction est construite qui va ici m'intéresser. Alors, premier élément que je voudrais mettre en évidence dans ce dans ce petit exposé, c'est le fait que Dexter appartient à toute une généalogie de tueurs en série, mais à travers, dans laquelle il se singularise assez nettement. On peut déjà l'apercevoir dès le générique de la série, qui a été assez brillamment analysé par un journaliste, Pierre Cerisier, qui tient un blog, Le Monde des séries, sur le journal Le Monde. Alors, je vous passe le générique et je le commenterai brièvement ensuite. C'est déjà un générique très intéressant parce qu'il mêle deux aspects fondamentaux chez Dexter, le quotidien d'un homme normal et son activité de tueur en série. Et en même temps, la manière dont cette activité de tueur en série est suggérée par ce générique qui représente une scène tout à fait banale de petit déjeuner est déjà très instructive du type de tueur en série que peut être Dexter. C'est-à-dire que dans ce générique, vous avez une sorte de condensé de tous les tueurs en série fictifs avant Dexter. C'est-à-dire que vous avez un condensé de toutes les méthodes criminelles utilisées en règle générale par les tueurs en série de fiction. Les vrais ont généralement une autre palette d'actions, c'est-à-dire des armes blanches. Il y a un couteau, il y a la strangulation qui apparaît via les lacets, de manière générale l'étouffement avec le t-shirt qui est placé sur le visage. Vous avez également les coups meurtriers et qui abossent vraiment leurs victimes lorsqu'ils appuient fermement sur le mixeur. Donc vous avez une série d'éléments comme ça qui apparaissent, qui sont suggérés par le générique, y compris le cannibalisme d'une certaine façon, hein, quand il se livre avec délectation à la dégustation de son déjeuner. Donc vous avez toute une série d'éléments qui suggèrent toute une série de caractéristiques de différents tueurs en série de fiction qui sont réexploités ici en quelques minutes dans ce générique. Il y a aussi l'idée qui est suggérée via notamment le gros plan sur la serrure que vous avez vu à la fin, qu'il y a bien l'identité secrète qui est à l'intérieur de la pièce de Dexter, celle où il peut s'exprimer librement, c'est dans son appartement. C'est là d'ailleurs qu'il cache ses trésors, ses trophées. C'est son identité secrète. Et puis dès que la porte est verrouillée, dès que l'identité est au placard, on a un tout autre homme qui apparaît dans des tenues plutôt aux couleurs pastel, en tout cas claires, visage souriant, aimable, loin du visage beaucoup plus dangereux qu'il affiche à l'intérieur lorsqu'il enfile notamment son t-shirt. Donc le générique met en évidence cela, de même qu'il met aussi en évidence le fait que, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard, Dexter vraiment rassemble toute une série de caractéristiques des tueurs en série. Pour bien le comprendre, je vais faire un bref historique de cette figure-là, qui est une figure relativement récente. Elle apparaît dans les fictions à partir des années 80. Alors, bien sûr, les tueurs en série sont une réalité sans doute beaucoup plus ancienne. Il y a déjà des recherches en psychologie au XIXe siècle qui mettent l'accent sur ce type de tueur, mais qui ne les appellent pas encore comme ça. Différentes dénominations sont utilisées. Mais l'expression elle-même, tueur en série, est forgée au début des années 70 par un spécialiste du FBI, Kessler. Et à partir de ce moment-là, le tueur en série devient vraiment une créature médiatique. On voit apparaître aux États-Unis toute une série de récits véridiques, dans des hebdomadaires principalement, du type détective ici, consacrés à ces tueurs. Et très rapidement, le tueur devient une créature de films et de livres, et principalement de livres au début. Les premiers à l'avoir vraiment travaillé, c'est notamment Thomas Harris, qui est resté très célèbre pour son roman Le silence des agneaux, qui est paru en 88 en anglais, mais qui avait déjà réalisé un premier ouvrage, Red Dragon, en 82. Et autre figure très importante des mêmes années, c'est James Ellroy, qui, dans une approche beaucoup plus stylistique et beaucoup plus littéraire qu'Harris, va vraiment montrer son obsession pour ce type de tueur. On l'a lui-même rencontré dans une histoire personnelle, et va le mettre en scène très régulièrement, et notamment dans ces trois livres-là, Lune sanglante en 84, Un tueur sur la route en 86, et Le Dahlia noir en 87, qui sont vraiment, pour la littérature policière, des chefs-d'œuvre et des choses à aller voir absolument. Mais ce qui va vraiment faire passer le tueur en série dans une autre dimension, c'est un film adapté d'Harris, Le silence des agneaux en 91. C'est aussi le premier film qui donne au tueur en série une place à part, puisqu'il n'est plus tout à fait un antagoniste. Il l'est encore, puisque dans ce film, on traque un tueur en série, mais on le traque à l'aide d'un autre tueur en série qui sert de consultant. Ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est que le tueur en série ne naît pas seul, il naît généralement avec un policier qui le traque et qui devient un adepte du profilage. Donc la figure du profileur ou de l'expert naît quasiment systématiquement en même temps que celle du tueur en série, et on les retrouve chez Dexter, mais conjuguées, celles-là. Puisque, beaucoup plus qu'un expert, Dexter est aussi un profileur. Il comprend les scènes de crime, il voit quelles histoires il raconte, et il voit quel profil de criminel est derrière ces histoires-là. Donc, c'est vraiment un condensé Dexter de toute une histoire, en fait, de cette figure-là. Alors, Dexter a plusieurs caractéristiques des tueurs en série, mais qu'on rencontre en règle générale pas chez les mêmes. C'est-à-dire que c'est un tueur qui est généralement organisé, comme beaucoup d'entre eux, mais qui peut aussi, dans certains cas, et ça arrive dans quelques épisodes, répondre à des pulsions brutales de meurtre, loin du code qu'on lui a appris. Et dans ce cas-là, il obéit plutôt à un autre type de paramètres de tueurs en série, ceux qu'on dit non organisés, ceux qui se font généralement prendre beaucoup plus rapidement, parce qu'ils ne prennent généralement aucune précaution. Certains tueurs en série obéissent à des voix, ça fait partie de leur motivation première. Dans la série de Dexter, Dexter obéit constamment, ou très souvent en tout cas, à la voix de son père, qui d'ailleurs apparaît régulièrement et entre en dialogue avec lui. D'autres tueurs en série se sentent investis d'une mission. Ce ne sont pas des voix qui sont conférées, mais ils ont une mission, débarrasser la société, par exemple des prostituées. C'est des choses qui reviennent souvent chez certains d'entre eux. Chez Dexter aussi, il y a ce type de mission qui lui est conférée. D'autres tuent pour le frisson. C'est le cas de Dexter aussi, qui ressent toujours un frisson au moment de tuer, qui en parle régulièrement. Et enfin, certains tuent vraiment pour des... pour l'exercice du pouvoir que le meurtre leur procure. Et cette relation de domination, elle est très fréquente aussi chez Dexter. Mais en règle générale, dans les fictions comme dans la réalité, ce sont des choses qui sont séparées. Donc Dexter est vraiment un mix de ce point de vue-là. Alors, cette figure du tueur en série, on va la voir se prolonger vraiment dans les années 90 à travers toute une série d'écrits, surtout nord-américains. je vous montre des réussites de gens, notamment le poète de Michael Connelly ou Darkness Take My Hand, Ténèbres Prenez-moi la main, de Denis Lehan, ou dans, au cinéma aussi avec des films comme Seven qui vont contribuer fortement à son succès. Alors, en France, il y en a beaucoup moins en fait. Il y a des tueurs sadiques, il y a des tueurs violents dans les polars français, il y a des tueurs extrêmement organisés, il y a des tueurs extrêmement froids, calculateurs, dominateurs, etc. Mais ils n'obéissent pas à la règle numéro 1 des tueurs en série qu'on voit dans les fictions nord-américaines, c'est-à-dire que les tueurs français, et c'est le cas notamment dans beaucoup de romans de Fred Vargas, ou même chez Jean-Christophe Granger, c'est un peu plus partagé, mais la plupart de ces tueurs français obéissent, eux, à des motifs bien précis, ont des mobiles bien précis. Ils tuent pour une raison bien déterminée, et leurs victimes sont liées à cette raison-là, ce ne sont pas des victimes prises au hasard, contrairement à ce qui se passe dans les romans américains, donc il y a vraiment une réappropriation de ce point de vue-là, je voulais le signaler pour ceux que ça intéresse, dans le roman français de ces figures-là, qui est assez éloigné de l'origine, et donc je resterai ici en terrain plus américain avec ça. La figure, à partir des années 2000, fait aussi l'objet d'ironisations de plus en plus marquées, c'est le cas avec un chef-d'œuvre de Bret Easton Ellis, j'ai oublié de remettre la date, ça doit être au début des années 2000, American Psycho, qui présente un cadre, mais qui se livre de plus en plus ouvertement à des activités de tueurs en série, dont on ne sait pas si elles sont imaginaires ou réelles, en tout cas le doute subsiste à plusieurs endroits. Il y a eu aussi un film avec Christian Bale sur ce sujet-là. Alors, je reviendrai maintenant à la figure de Dexter. C'est d'abord un tueur en série parce qu'il est qualifié à plusieurs reprises dans le récit de psychopathe, comme le sont tous les tueurs en série, tous les psychopathes ne sont pas les tueurs en série. Alors si on regarde cette définition-là, ce qui caractérise surtout le psychopathe, c'est l'insensibilité, l'incapacité de ressentir de l'empathie pour autrui, de former des liens émotifs, l'absence de remords. Et ce spécialiste des psychopathes, un Canadien, termine en disant « Essayer d'expliquer les sentiments d'un psychopathe, c'est comme décrire les couleurs à un daltonien. » Vous voyez, la formule est assez imagée pour montrer de quoi il s'agit. Et en effet, c'est cette définition-là qui est reprise quasiment textuellement dans la série, notamment dans la dernière saison, où on voit apparaître un spécialiste de psychopathe, le docteur Vogel, qui dit à toute l'équipe dont Dexter, le point commun de tous les psychopathes est qu'ils n'ont pas d'empathie. Et lorsqu'elle prononce cette phrase dans la série, Dexter l'achève aussi, donc le fait qu'ils n'ont pas d'empathie, l'achève aussi dans sa tête. Nous, on entend toujours Dexter, les autres ne l'entendent pas. Donc il y a bien cette reconnaissance-là fondamentale. Et pourtant, c'est sur ce point-là aussi que, et sur d'autres points, que finalement Dexter s'éloigne le plus de la figure du tueur en série. D'abord parce que Dexter éprouve souvent de l'empathie. Moins pour ses victimes, ça généralement il n'en éprouve pas beaucoup, que pour lui-même ou pour ses proches. Et quand il est confronté à ses actes, il a parfois aussi des difficultés à les accepter. Ça se voit notamment dès la première saison, dans cette scène où Dexter traque, comme il le fait chaque fois, un criminel en série, ici un psychologue qui conduit toute une série de patientes à la dépression et au suicide, et qui le fait de façon tout à fait voulue, volontaire. Dexter le consulte pour un motif apparemment tout à fait banal, mais s'approche de lui progressivement et puis lui tend ce piège, et vous allez voir. What are you going to focus on today? I'm glad you asked that. I'm going to tell you something that I've never told anyone before. Okay. I'm a serial killer. Oh, God. How that feels so amazing to say out loud. Well, you must be letting go, because I've never been joking before. I'm not joking. I kill people. Whew. There it is again. You should try it. I know. Big Bad Wolf has racked up a tiny little death toll. I'm just kidding, I disabled the cameras and I copied the files. I don't know what you're talking about. Focus on your breathing, maybe you remember. Megan, Carolyn, Vanessa. Those sessions are confidential. I'm a control freak, I know. But I watched your home movies, it's amazing stuff. Drugs, guns, and a crazy psychiatrist. No wonder you're so well-versed in control issues. You've got quite the god complex. This session's over. That's a fast talk. Told me everything I need to know. So, why powerful women? We took powerful women and made them powerless. They left behind families, children. I have to confess, I'm a little conflicted. You've helped me make a major self-discovery. The fact that I'm a killer. That's something I can't control. Vous voyez, ici, dans cette relation avec le psy, qui est, entre parenthèses, aussi une belle critique de la psychologie et de son omniprésence aux États-Unis. Mais il aurait fallu vous montrer tout l'épisode pour cela, ce n'est pas lié ici, mais il y a quelque chose d'assez étonnant qui vient du fait que Dexter peine aussi à s'avouer lui-même qu'il est un tueur en série et qu'il éprouve ce besoin, cette fascination. Il le sait fondamentalement, mais il doit encore se l'avouer, l'admettre. Et cette quête identitaire va être un des éléments importants de la série, parce que régulièrement, Dexter va être fragilisé dans ses émotions, dans ses ressentis. Enfin, autre exemple, mais je ne le développerai pas en vous montrant tout l'extrait, à un moment donné, il est confronté à une personnalité qui va voir clair en lui et qui va lui dire, c'est le mot ici que j'ai épinglé, « Je pense que toi, tu as une conscience. » Et Dexter va être fragilisé par cette situation-là, et va se rendre compte que oui, en effet, il tient à des personnes, il a une empathie réelle à certains moments pour toute une série de personnages, ce qui le rend évidemment beaucoup plus supportable pour le spectateur. Donc, personnage qui n'est pas tout à fait un tueur en série, on le voit aussi esquiver toute une série de traits des tueurs en série, notamment, il idéalise très très peu ses gestes. Il le fait de temps en temps. Il reconnaît qu'il est un monstre du contrôle. Il parle parfois de son art, de choses ainsi. Mais il idéalise très très peu ses gestes. Et parfois même, il les compare, et c'est le cas notamment dans une autre séquence, il les compare à un travail. Ça revient souvent. Il évite aussi très souvent les pièges de l'avantardise. Ça c'est le passage que je voulais vous montrer sur le job. Il est donc avec une de ses victimes. Why couldn't you just leave me to do my work in peace? Why did you have to go and ruin everything? You're a killer. I catch killers. So do I. I caught you. I'm not a killer. You are. That's why you've always known what I am. That's why you have more officer-related shootings than anybody else. Only I don't fuck with you when you shoot somebody. Why couldn't you pay me the same professional courtesy? There's nothing professional about what you do. I kill when I have to, on the job. Oh, so it's okay to take a life as long as you get a paycheck for it? The city pays me to keep the law. I've got news for you, Sergeant. My code requires a higher standard of proof than your city's laws. At zero cost for the taxpayer, yes, me, I'm a bargain. Vous voyez, il y a ce jeu sur lequel je reviendrai d'ailleurs quand on parlera de la justice, mais de refus d'idéaliser son rôle. Il le voit, même s'il y a bien sûr ici de l'ironie, il le voit comme un métier. À d'autres moments aussi, c'est un tueur qui ne déshumanise pas ses victimes, il les inscrit dans une histoire, il les confronte à ce qu'ils ont, il ne les choisit pas au hasard, il prend vraiment des criminels à chaque fois. Donc il a des comportements tout à fait particuliers par rapport à d'autres tueurs en série fictifs. Ses antagonistes principaux dans la série, et ça c'est intéressant aussi à remarquer, sont généralement des tueurs de femmes et d'enfants. Ou des tueurs qui ont fait du tort à leur propre famille. En particulier les grands tueurs qu'ils pourchassent pendant 12 épisodes d'une saison entière. Tous ceux-là sont vraiment des tueurs qui ont blessé leur famille, Dexter cherchant toujours à protéger sa famille. Et donc on voit bien qu'il y a là une polarisation très forte en termes de valeurs qui apparaît, et la famille est quelque chose de très précieux pour Dexter. Autre élément qui est assez notable, c'est que Dexter est assez peu cruel pour un tueur en série. Ses scènes d'exécution sont relativement clean, on y reviendra aussi. Bon, bien sûr, là, on épargne des choses aux téléspectateurs, mais il y a aussi la volonté de présenter quelqu'un qui contrôle la plupart de ses pulsions mortifères. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la figure de tueur en série qu'est tout de même Dexter, c'est que il est plutôt qualifié, en fait, dans la série, de justicier et possède plus de traits, finalement, du super-héros que du tueur en série. C'est-à-dire qu'il est costumé, comme un super-héros l'est, et qu'il a deux identités. Il est costumé parce que quand il commet ses crimes, on l'a vu dans la scène que je viens de vous montrer, il est habillé de ce pantalon treillé et de ce t-shirt très moulant de couleur kaki, vêtu de gants, et il a toujours ce vêtement-là. De jour, il est toujours habillé un peu comme dans le générique, où il est beaucoup plus coloré et beaucoup plus frais de présentation. C'est aussi quelqu'un d'extrêmement habile, très fort dans tous les domaines, tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel. C'est un surdoué dans son domaine d'expertise, comme dans le crime. Et tout le monde le reconnaît, je veux dire, tous les personnages qui l'entourent, pour ce qui est de son expertise médico-légale, en tout cas, le reconnaissent et la demandent. Chaque fois qu'il y a des grands personnages de policiers venant du FBI, etc., à Miami, dans le département de police qu'occupe Dexter, ils font appel à l'expertise de Dexter. Donc il est vraiment reconnu comme quelqu'un d'extraordinaire de ce point de vue-là. Son nom lui-même, Dexter, fait signe vers la dextérité qu'il affiche en tout instant. Il va aussi se sortir de tous les pièges qu'on lui tend. Et comme d'autres types de super-héros, style Superman ou Spider-Man, ses sentiments vont gêner l'exercice de son art, si vous voulez, ou de sa justice. C'est-à-dire que la vie personnelle, quand elle se développe, va interférer avec la vie professionnelle, entre guillemets. Alors, il est d'ailleurs parfois même comparé à Batman dans une série où la police, c'est la saison 2, la police traque Dexter sans s'apercevoir que leur criminel est juste à côté d'eux. Un des policiers chargés de la traque, se rendant compte que ce profil de meurtrier qui tue d'autres meurtriers a plutôt l'approbation de la population, dit les gens pensent avoir trouvé leur nouveau Batman. Donc la comparaison avec Batman est faite aussi de ce point de vue-là, et elle revient à d'autres endroits de la série. Donc ça mène à poser évidemment la question de la figure du justicier chez Dexter. J'en dirai quelques mots rapidement, parce que le temps passe à toute allure. Dexter n'est pas un... Je vais pas poser la question comme ça. La question de la série n'est pas celle de la peine de mort. La peine de mort est-elle légitime ou pas? Ce n'est pas cette question-là, me semble-t-il, dans la mesure où nous sommes en Floride, dans un des 35 États qui pratiquent la peine de mort et où les criminels que traque Dexter auraient eu droit à l'injection létale si la justice avait suivi son cours normal aux États-Unis. Donc c'est moins cette question-là, me semble-t-il, qui est centrale dans Dexter que la question du justicier lui-même. Qui peut rendre la justice ? Est-ce que Dexter peut le faire ? Est-ce que quelqu'un comme Dexter peut le faire ? Est-ce que quelqu'un comme d'autres personnages secondaires qui ont souvent des envies de justice comparables à celles de Dexter peuvent le faire ? Et donc c'est cette question-là, me semble-t-il, qui est davantage posée par la série. Celle du justicier individualiste, si vous voulez, qui agit loin des canaux officiels. Alors, de ce point de vue-là, le personnage de Dexter est intéressant parce que c'est un personnage de juge tiers, si vous voulez. Il n'est jamais, sauf dans de très rares cas, concerné au premier plan par les tueurs en série qu'il traite. C'est-à-dire que ce n'est pas un vengeur. Sauf très rarement, mais je ne préférerais pas développer cela. Il agit moins par vengeance que pour nettoyer la société, comme il le dit à plusieurs reprises, et donc il n'a pas une position tout à fait identique à celle d'un vengeur. On n'est généralement pas dans ce cadre-là de figure. Certes, il a un compte à régler d'une certaine façon avec les criminels qui l'ont rendu comme il est, qui ont tué sa mère, etc. Il le fait parfois, mais en règle générale, ce n'est pas un vengeur. Alors, surtout, il suit les procédures d'une justice traditionnelle, c'est-à-dire la recherche de preuves. Il ne tue jamais sans preuves, enfin, il le fait très rarement, et quand il le fait sans preuves, ça se finit très mal pour lui. Donc, il le fait très rarement. Bien sûr, il ne suit pas tout à fait les règles de la justice habituelle, puisqu'il traque ses victimes, puisqu'il enquête à leur sujet, et que, parfois aussi, il dissimule sciemment des preuves à la justice officielle pour pouvoir s'emparer de ses criminels. Donc il est sur une frontière, si vous voulez, entre certains attributs de la justice et des attributs plus proches du tueur en série. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que dans ses crimes, il agit aussi de manière très scientifique, c'est-à-dire c'est à nouveau un Claude Ambroise Rendu qui signale cela. Il prépare ses scènes de crime, les transforme non en lieu de carnage mais en opération médicale, exact contraire antidote du bain de sang dans lequel il a été découvert. La scène est polie par les maîtres de scotch brillant qu'on a vu dans la scène du psychiatre, par la nudité propre mais discrète des victimes, par un éclairage de salle d'opération, par l'usage du scalpel, malgré les découpages auxquels il procède, qui sont une façon d'évacuer ses victimes, il désincarne le mort. Son souci de ne pas laisser de traces le conduit à bâtir, crime après crime, une véritable ode à la propreté digne de l'opération quasi-chirurgicale qu'il pratique. Et donc là, on voit bien qu'on est dans un type de justice très particulier, qui vise une forme de nettoyage, avec une sorte de validation quasi scientifique, quasi médicale. On est dans une forme de propreté par rapport aux criminels en série habituels. Ce qui peut être un peu angoissant, mais j'y reviendrai bientôt. Il y a aussi l'idée, me semble-t-il, que chaque scène de crime de Dexter est une sorte de toile d'araignée. La victime vient s'engluer. Elle est d'ailleurs entourée de scotch comme dans une sorte de cocon, et Dexter occupe souvent une place périphérique. Il est sur le bord de la toile, dans un coin. Et puis il vient après sa victime et lui plante son dard, le couteau avec lequel il achève la plupart de ses criminels. Donc ça ressemble vraiment aussi très fort à une toile d'araignée qui se tisse autour du suspect et qui l'enferme. Et cette toile, elle, est celle d'une justice qui surveille constamment les agissements des uns et des autres, qui les traque et qui scrutent chaque moment, si vous voulez, de leur vie, puisque ce qui est aussi systématique dans les scènes de crime de Dexter, c'est le rappel, le plus souvent via des photos, des crimes commis par le suspect. Donc le suspect est confronté à ces crimes de cette façon-là. Autrement dit, par la métaphore médicale, par la métaphore de l'araignée, il y a vraiment l'idée que la justice que donne Dexter est une justice finalement très malsaine parce qu'elle ne respecte absolument aucun des droits des des criminels qu'elle bafoue constamment. Aucun des droits des suspects, même, plus exactement, parce qu'il lui arrive aussi de se tromper. Et que cette option sécuritaire qu'il représente n'est pas la solution. Et ça, la série le dit très bien aussi, parce que les gestes de Dexter n'apaisent jamais la violence, que du contraire, ils la renouvellent constamment, et même touchent Dexter, et ça je n'en dirai pas plus, mais profondément, dans la plupart de ces séries, des épisodes. Autre élément qui me semble intéressant à remarquer, c'est que, et je terminerai là-dessus en 2-3 minutes, Dexter se dépeint souvent comme un monstre lui-même, et de ce point de vue-là, il fait apparaître certaines formes de normalité, comme autant de construction. En effet, pour lui, qui est extérieur à toute forme de normalité, tout est problème, tout est question. Il interroge donc toutes les pièces de cette organisation sociale, le processus identitaire, l'organisation familiale, sociabilité professionnelle, les relations affectives, la sexualité. Tout ça, il va aussi le singer, et ça rend la série souvent particulièrement comique, et je terminerai sur cette note plus légère, notamment lorsqu'il s'interroge sur, enfin, lorsqu'il définit la normalité dans cette scène, où il assiste à une conférence d'un guide de vie, comme il y en a beaucoup aux États-Unis. Conceived with the impulse to fight for what we desire. It's written in our genes. It's engraved in our souls. But we've traded the wilderness for pavement, trees for skyscrapers. We've lost touch with our instincts, with what we are. We have fallen from nature's grace. But we shall be delivered! It's time to tap into your primal selves and seize the power of instinct. We're gonna cast off those shackles that bind us to jobs we hate, people we don't love, lives that aren't worth living. We are going to take it! I've never been around so many people that made me feel normal. Really normal. Vous voyez, c'est cette manière qu'il a toujours d'être une sorte de spectateur atone dans toute une série de scènes, qu'il perçoit comme des scènes normales, rend évidemment ces scènes tout à fait croustillantes, parce qu'il y a un double discours qui apparaît assez vite. Ou autre élément fréquent que l'on aperçoit aussi, c'est plutôt le mécanisme inverse. C'est une scène qui paraît être une scène violente et qui se révèle être souvent à double entente, comme celle-ci. Life is a ritual. Routine. Control. And an essential part of that routine. Regular oral hygiene. You know, a few minutes, that'll loom right up. So, how was your summer, Dexter? I went to the carnival. I even won a prize. Hope you stayed away from all the sweet stuff. Well, usually I'm good, but sometimes I indulge. They also made it a point to meet new people. Never have too many friends. Now, this temporary crown is going to go way in the back, so there may be some blood. Not a problem. So you still have your boat? Oh, you bet. That's the only place I can really let everything go. That's great. I'm going to have you up and out on that water in no time. Ça, c'est quelque chose de très très fréquent et qui donne aussi son charme à la série. Vous avez un mixte de deux niveaux de discours, si vous voulez, un discours qui peut se lire tout à fait au sens courant, avec des sous-entendus qui apparaissent. Ici, ils sont très nets, dans d'autres moments, ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus subtils. Les enchaînements entre les scènes sont aussi souvent très bien travaillés, puisqu'on passe d'une scène dans le milieu de l'enterre à une scène en pleine mer. Et ces contrastes sur lesquels joue tout le temps la série permettent aussi d'accentuer ces caractéristiques-là. Donc je terminerai en disant, en reprenant ma question de départ, comment se fait-il qu'un tueur en série est devenu un héros, mais un héros un peu particulier, vous en conviendrez. Mais en relisant aussi l'histoire du genre et en sélectionnant toute une série de traits chez les tueurs en série fictionnels qui l'ont précédé, en les mélangeant, mais en évinçant aussi un certain nombre de ces traits et en utilisant d'autres traditions fictionnelles, notamment celle des super-héros qui est aussi revendiquée ici, pour présenter un héros acceptable par le spectateur, même s'il n'arrête pas de poser la question de la justice et invite le spectateur aussi à se les poser. Voilà, bonne vision si vous voulez en voir d'autres, et bonne lecture si vous voulez aussi aller voir du côté des livres que j'ai signalés. Merci pour votre attention.